Deux jours plus tard, il réussit à faire parvenir à Shōeiyun sa réponse. Hiver glacé, routes enneigées, si vous êtes ma tendre amie, main dans la main, nous ferons le chemin. Quand il se présenta au pavillon bleu, Ho Huo fut abordé par une servante. « Suivez-moi, lui dit-elle. » Ils traversèrent la foule. Shōeiyun l'attendait, installé à sa place habituelle. « J'accorde un entretien privé à ce jeune homme, expliqua-t-elle, pour un cadeau secret qu'il me fit. » Les hommes qui l'entouraient s'inclinaient. Elle pria Ho Huo de s'asseoir auprès d'elle. « Voulez-vous passer la nuit avec moi, demanda-t-elle, afin de converser et de mieux nous connaître ?»« Hélas, répondit Ho Huo, j'ai épuisé mes faibles ressources. Je ne suis qu'un pauvre lettré. L'intimité de votre corps est pour moi un rêve merveilleux et inaccessible. » Alors ils se turent, assis tristement l'un à côté de l'autre. Bientôt la marâtre intervint. Elle fit signe à Shōeiyun. Un riche marchand la réclamait. Les jeunes gens se quittèrent. Ho Huo, accablé, résolut de ne plus revenir au pavillon bleu. Il adressa à sa bien-aimée ce dernier poème. « Aussi longtemps que nous mangerons le riz de ce monde, nous serons séparés. Dans notre tombeau, enfin, nous dormirons ensemble. » Une semaine plus tard, Ho Huo quittait la ville. Et les mois s'écoulèrent au sablier du temps. Un soir d'hiver, la neige tombée en abondance avait tout revêtu de silence. Au pavillon bleu, les clients étaient rares. Un étrange visiteur se présenta, qui portait des habits inconnus dans la contrée. À la main droite, il avait une bague ornée d'un serpent dragon aux yeux jaunes. L'homme était riche, et il obtint sans peine un entretien avec la perle des courtisanes, Shōeiyun. Elle commença à jouer pour lui sur sa cithare un air mélancolique, en l'accompagnant de sa voix mélodieuse. Le visiteur la regardait avec bonté. Soudain, il leva un doigt, le posa sur le front de la jeune fille, en disant par deux fois ces mots. « Dommage. Dommage. » Et il s'en alla, aussi mystérieusement qu'il était venu. Le soir, en se couchant, Shōeiyun vit dans son miroir une tache noire qui était apparue à l'endroit où l'étranger l'avait touchée au front. Elle se lava avec énergie, mais la tache ne s'effaça pas. Les jours qui suivirent, elle s'étendit au contraire à tout le visage. Quelques semaines plus tard, Shōeiyun, la face noire et crevassée comme celle d'un démon, avait perdu sa beauté. Les clients refusaient désormais de payer pour la voir ou l'entendre chanter. Elle devint un objet d'horreur. La marâtre la plongea tout entière dans un baquet, l'injuria, la battit, rien n'y fit. Alors on voua la malheureuse aux plus basses besognes, fille de cuisine, souillon, souffre-douleur des plus humbles servantes. Elle devait coucher à l'écart sur un tas d'ordures.